En attendant, on va peut-être un peu parler cinéma, oui, par si exemple. Oui, si on parlait de choses futiles en attendant. Voilà. Avec, donc, comme je vous le disais, Un jour sur Terre, en anglais Earth, film réalisé par Alastair Fothergill et Mark Linfield. Le maître d'œuvre de ce film, producteur, réalisateur, c'est Alastair Fothergill. Essentiellement, il est zoologue de formation et il travaille à la BBC depuis 1983 comme producteur et réalisateur de documentaires animaliers, parce qu'il s'agit d'un documentaire animalier en l'occurrence. Il a notamment beaucoup travaillé avec David Attenborough, à ne pas confondre avec son frère Richard Attenborough, qui lui est un grand monsieur du cinéma mais de fiction, comme acteur et comme réalisateur. David, lui, sa spécialité, ce sont les documentaires. C'est un des tout grands noms du documentaire animalier à l'anglaise depuis au moins une bonne trentaine d'années. Et on leur doit à tout ce petit monde, notamment la série The Blue Planet en 2001, qui avait donné naissance à un film qui a été diffusé largement au cinéma et dont je pense j'avais parlé à l'époque, en 2003, qui s'intitulait Deep Blue, la planète bleue en version française, qui était consacrée, comme son titre l'indique très justement, très franchement, aux océans. Un film qui était vraiment magnifique, avec des images superbes et une musique orchestrale à l'ancienne, et très peu de commentaires. C'était quasiment à certains moments un trip expérimental, très très très visuel, et comme je vous le disais, très très réussi. Avec Earth Rebelote, on a droit aussi à un documentaire animalier, mais cette fois-ci en élargissant le propos, puisque on va s'intéresser tout simplement à la planète entière. Et comme dit Blue, c'est un film qui est tiré d'une série télé qui, elle, a été diffusée en Angleterre en 2006. Et ce propos donc de Earth, qui voyage à travers la planète, c'est de suivre des animaux sur tous les continents et à travers les saisons, du pôle nord au pôle sud, en passant par l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc on se balade largement, mais on suit essentiellement à travers tout ce périple quelques animaux, une ours polaire et ses petits, des éléphants qui font une immense migration en Afrique, des gnous qui eux font la plus grande migration terrestre du monde, du côté du Canada du Nord et du Groenland, et une baleine également et son petit. On se rend peut-être un petit peu compte, et si vous avez vu des images, vous le savez, l'infrastructure du film a été énorme. Il a fallu, évidemment, donc à la base c'est une série qui dure plusieurs heures, donc, mais il a quand même fallu 50 tournages, 40 équipes. Mais oui, 40 équipes. Mais enfin, Bruno. 40 équipes sur 200 lieux différents pour un budget de 47 millions de dollars. C'est probablement le documentaire le plus cher de l'histoire du cinéma, qui déborde, comme c'est souvent le cas, de prouesses techniques, avec à base de caméras numériques embarquées super haut en altitude ou dans des lieux où il fait super froid, il fallait éviter qu'elles gèlent. On a utilisé plein de modèles prototype ou vraiment à la pointe de la pointe de la technologie. Une petite anecdote amusante, c'est qu'on voit des images aériennes de l'Everest et c'est la première fois qu'on arrive à en filmer, parce qu'on ne sait pas l'atteindre en hélicoptère. L'équipe du film a pu profiter d'un avion espion népalais pendant un petit moment. C'est vraiment un déploiement d'énergie et de moyens assez considérable. Et tout ça pour aboutir à quoi ? Un documentaire extraordinaire, aux images elles aussi époustouflantes, mais d'emblée petit bémol, certaines sont parfois déjà vues, ou voire même limite un peu clichés, comme ces séquences toujours spectaculaires, mais qu'on a déjà vues un nombre insensé de fois, de plantes qui grandissent en accéléré. Ça fait vraiment l'aventure des plantes, cette mythique série documentaire du tout début des années 80, avec une musique synthétique à se faire pendre tellement elle était déprimante. Ah oui, c'est ça, oui, non, c'était avec horrible. Avec un générique de début en dessin animé. Avec un truc, Jean-Michel Jarre, à 6 ans, on lui avait offert un orgue bon tant pis, et